Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les défis d'un nouvel ordre pour l'Empire ottoman face à une Europe post-révolution française et post-congrès de Vienne? Quelle est la violence des réformes ottomanes, s'interroge l'historien Ethem Eldem. Qu'est-ce qu'un État révolutionnaire et pourquoi revenir sur le mot « révolution » dans le contexte ottoman et européen des années 1820-1830? Quelles ont été les premières réformes tentées par le sultan Selim III? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'université de Boğaziçi, Ethem Eldem a enseigné aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il défend une approche plurielle de cet étrange animal qu'est le vieil empire ottoman au XIXe siècle, une approche plurielle qui est à l'image du parcours de l'historien. Ethem Eldem est l'auteur de travaux sur le commerce du Levant, l'épigraphie funéraire, la banque ottomane, les dynamiques de l'occidentalisation, Istanbul au tournant du XXe siècle, l'orientalisme, la photographie, l'histoire de l'archéologie et des collections dans l'Empire ottoman. C'est riche de cette approche variée et attachée aux méthodes de l'analyse documentaire qui nous entraîne dans une histoire complexe dans le cadre de sa série intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830 ». Au plus près des textes turcs et européens, Ethem Eldem revient sur l'intégration avec l'Europe au tournant du XIXe siècle et sur les réformes étatiques dans les années 1820-1830 opérées par la Sublime Porte. Il a mis en valeur les phénomènes d'imitation, de copie, d'adaptation du modèle de modernisation européen dans le cadre de ses cours précédents, tandis que monte le doute des Ottomans sur leur propre modèle. C'est dans ce contexte d'interrogation face à la modernité que se développent les deux crises majeures auxquelles est confronté le vieil empire ottoman. Le sultan doit faire face au contre-pouvoir qui s'affirme au cœur de son empire et il doit gérer l'opposition liée au mouvement grandissant des nationalités au XIXe siècle. Avant les violentes réformes de Mahmoud II, l'historien revient sur celles initiées par le sultan Selim III, arrivé au pouvoir en 1789. Ces réformes touchent en particulier l'armée avec la promulgation du nouveau règlement en 1793. Mais comme nous allons le découvrir aujourd'hui, cette tentative de réforme n'a pas pu rénover de façon profonde le corps des janissaires, ces soldats esclaves, élites de l'armée turque, trop souvent à l'origine des troubles au sein de l'Empire ottoman. Alors comment se situent les janissaires? Qui sont les Ayans? Et comment l'Empire ottoman peut-il s'avérer un empire qui négocie? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France les 11 et 18 janvier 2019. Aujourd'hui, les défis d'un nouvel ordre et les violentes réformes. Je vais suivre avec un petit rappel chronologique. Encore une fois, je vous disais, la chronologie, c'est bête et méchant, mais c'est utile. Et je voulais simplement vous rappeler, en gros, la période que nous avons jusqu'ici évoquée, allant, en gros, du début du XVIIIe au début du XIXe siècle, 1720. Alors, je ne vous donne pas le détail des révolutions et des guerres. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette répétition de révolutions. C'est d'autant plus intéressant que, sous peu, nous allons parler d'une grande révolution, celle qui a mené à l'abolition et à la destruction du corps des janissaires en 1826. C'est un phénomène extrêmement intéressant, extrêmement important, quelque chose qui, en quelque sorte, pose les fondements de la modernité ottomane telle qu'elle va se développer au fur et à mesure du XIXe siècle. C'est pour cela que j'ai choisi cette représentation assez cocasse des janissaires. C'est une représentation assez typique de quelque chose qui va disparaître en 1826 et qui va être remplacé par un ordre, par des systèmes, des uniformes, une uniformité qui va déterminer, qui va va définir la manière dont les Ottomans veulent se transformer au XIXe siècle. Donc, cette chronologie qui va, en gros, de l'ambassade de Yelmesekiz Mehmet Çelebi à Paris en 1720 à la fondation de l'État grec, encore une fois, c'est quelque chose qui clôture une période extrêmement traumatisante pour les Ottomans, la rébellion grecque et la défaite de l'Empire face à ces insurgés soutenus par une Europe qui est de plus en plus envahissante. C'est un phénomène qui va sceller en quelque sorte le destin d'un certain empire ottoman pour le forcer en quelque sorte à se transformer à travers la modernité en un empire moderne. C'est là que les Ottomans vont commencer à s'appeler ottomans, à utiliser une terminologie, des concepts, des formats qu'ils empruntent à l'Occident. Donc je vous ai mis là simplement pour vous rappeler en quelque sorte des dates, les décennies, avec plus ou moins la correspondance des règnes de cette époque-là, en sachant que avant Mahmoud Ier, vous avez Ahmed III, celui qui est associé avec ce que l'on appelle, sans beaucoup de sens, la période des tulipes, ce que l'on associe avec un début de velléité d'occidentalisation. Mahmoud Ier, Osman III, Mustafa III, Abdulhamid Ier du nom, Selim IIIe du nom, celui à qui l'on attribue le début de cette modernisation, de cette occidentalisation militaire et institutionnelle. Mustafa IV, un interlude de quelques mois entre le règne de Selim III qui sera tué par les janissaires, qui sera détrôné et ensuite tué par les janissaires. Et puis Mahmoud II. Mahmoud II, le héros principal de cette modernité, de cette modernisation par le haut, modernisation autocratique, dont l'abolition des janissaires en 1826 est un des événements les plus marquants. Vous voyez que la troisième colonne, il s'agit d'événements marquants, si vous voulez, une chronologie un peu à l'ancienne, avec des guerres, des paix, guerre, épée, révolution et détrônement. C'est un peu le rythme d'un empire à l'ancienne, avec un sens qui est donné à la révolution, qui n'a rien à voir avec la révolution moderne telle qu'elle sera inaugurée par la grande révolution, comme les Ottomans, à la fin du XIXe siècle, appelleront la Révolution française. Je vous rappelle que révolution, dans le sens révolutionnaire du terme, un peu en émulation du modèle français, est une innovation de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Jusque-là, révolution est quelque chose qui se fait souvent par le haut. Il s'agit de révolution de palais, il s'agit de fronde, il s'agit de phénomènes qui ne sont pas ancrés dans une sorte de révolte populaire, mais plutôt dans des phénomènes beaucoup plus circonscrits, qui appartiennent aux dynamiques de la modernité dans le sens français du terme. L'abolition des janissaires est quelque chose que les sources occidentales de l'époque appelleront une révolution. Et ce qu'ils appellent la révolution, ça n'est pas la rébellion des janissaires contre l'autorité du sultan, mais le fait que le sultan décide de se défaire une fois pour toutes de ses janissaires. Je vous rappelle aussi que l'État moderne, tel qu'on le voit naître au XIIIe, XIVe siècle et tel qu'il se développe sous les monarchies absolues au XVIIe, XVIIIe siècle, cet État-là, il est révolutionnaire. La plupart des révolutions de la période moderne, c'est-à-dire la plupart des mouvements qui créent un changement radical de la société, ce sont des mouvements qui sont instaurés, qui sont provoqués par l'État. C'est l'État qui bouge, c'est l'État qui dérange. La plupart des révoltes sont des révoltes paysannes, et ces révoltes paysannes n'ont rien de révolutionnaire, elles sont au contraire généralement plutôt axées sur la préservation, la conservation du statu quo. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui compte énormément pour les populations modernes. L'État est en train d'entrer dans le domaine public avec ses gros sabots, avec sa fiscalité, avec son armée, avec la conscription des paysans, avec les tribunaux. Tout cela est un phénomène nouveau, extrêmement moderne, qui secoue toute la société et qui provoque des réactions qui sont, entre guillemets, réactionnaires, c'est-à-dire qui ne sont pas vouées à une sorte de révolution, rébellion de la société au nom d'un changement, mais au contraire, au nom de la préservation, de la conservation de l'état du statu quo. C'est pareil dans l'Empire ottoman. Il n'y a guère de révolution populaire avant vraiment la fin du XIXe siècle. Donc, ce qui se passe pendant cette période, c'est une politique, une situation politique, sociale et économique qui est essentiellement régie par les instabilités de l'État, qui essaye de gérer quelque chose d'extrêmement complexe, la survie d'un empire, et qui par conséquent est en train de faire des pieds et des mains pour essayer de gérer la complexité d'un territoire mal défini et de populations qui sont très mal contrôlées. Donc ne pas confondre un empire ottoman avec un empire colonial du XIXe siècle. La technologie, les forces logistiques, le pouvoir d'un empire moderne, d'un empire pré-industriel, sont extrêmement limités. Et par conséquent, il s'agit essentiellement de négocier. De négocier, c'est-à-dire d'essayer de ménager les forces qui régissent certains groupes sociaux, militaires, économiques, et d'essayer de survivre en négociant, en maintenant en équilibre ces forces sociales. Enfin, la dernière colonne, un rappel de certains thèmes sur lesquels je me suis penché l'année dernière. L'ambassade de Yelmesekiz Mehmet Çelebi, le paradis des infidèles, essayer de voir si vraiment on peut dire que Yelmesekiz Mehmet Çelebi, cet ambassadeur ottoman à Paris, est responsable d'une transformation radicale ou alors s'il est tout simplement un phénomène, un épiphénomène dans un contexte beaucoup plus général auquel on ne peut attribuer un impact aussi radical que les récits modernistes le font. L'introduction de l'imprimerie, et je vous ai dit que l'imprimerie, c'est bien joli, et effectivement, c'est important. Pourquoi ? Parce que on part de la prédétermination et de l'impact que l'on attribue au modèle occidental, et par conséquent, on se dit, oui, effectivement, si l'imprimerie a complètement transformé l'Occident, c'est peut-être parce que l'imprimerie n'a guère démarré avant le XVIIIe siècle dans l'Empire ottoman, que l'Empire ottoman était, entre guillemets, en retard par rapport à l'Occident. Et encore une fois, c'est une vision extrêmement problématique, puisque vous comparez l'incomparable sans même vous poser la question de ce qui est imprimé, ce qui circule, etc. Je vous avais dit que dans le cas de l'imprimerie de Mutefelika, il s'agissait de 30 ou 32 titres qui avaient été imprimés, chacun à 500 exemplaires. Comment imaginer que un tel phénomène superficiel va transformer cette société ? Et encore une fois, c'est ce qui va dans le sens de cet atlas que j'évoquais il y a un moment, un atlas qui est là parce qu'on veut avoir un atlas, mais qui en fait n'a pas de dissémination d'impact sur la société parce qu'il n'est ni utilisé ni distribué de manière significative dans la société. Le comte de Bonneval, Baron Le Tot, ces agents externes, ces renégats qui participent à la modernité ou à la transformation ottomane au XVIIIe siècle, mais de manière extrêmement limitée, extrêmement superficielle. La mosquée de Nour Osmaniye, je vous avais donné en particulier cet exemple d'architecture baroque, encore une fois en insistant sur le fait que le problème, ça n'est pas que cette architecture est baroque, que cette... Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à trouver dans les sources ottomanes la moindre référence à quelque chose de différent dans ce bâtiment. Et c'est là qu'est le problème, parce que sinon, effectivement, si vous dites que c'est un bâtiment baroque, si vous arrivez à identifier ses origines italiennes, c'est très bien, vous avez une sorte de liaison qui vous permet de poser la question de l'influence occidentale dans l'Empire ottoman. Mais tant que vous n'avez pas des voix internes qui vous disent ce qu'elles pensent de ce monument, qui vous disent qu'elles réagissent d'une manière ou d'une autre, négativement ou positivement, à l'adoption de ce style pour un bâtiment aussi traditionnel qu'une mosquée, tant que vous n'avez pas ces voies-là, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ce que ce baroque représente dans les transformations de l'époque. Donc ça peut aller dans tous les sens. Le problème, c'est que c'est un discours qui est en général dominé par des historiens de l'art qui, eux, partent de la forme, de l'image, de la construction pour en tirer des conclusions. Mais ça ne me suffit pas si je n'arrive pas à entendre ce qu'en pensent les quidam, les Constantinopolitains qui participent de cette transformation urbaine, de cette création de nouveaux objets. Enfin, vers la fin de ce tableau, les grands monuments de l'occidentalisation, de la modernisation par l'occidentalisation, voulus et consciemment axé sur la transformation de l'État, des structures de l'État et notamment de l'armée. Le fameux tableau des nouveaux règlements, je vous en avais montré quelques planches, très intéressant, et le texte est en français. Et il n'y a pas de version turque. Enfin, il y en a une qui n'a pas été publiée, donc ça aussi, c'est une question à se poser. Que dire d'un ouvrage qui a été publié par un fonctionnaire de l'État pour publier, en quelque sorte, pour vanter les nouveaux efforts de l'État et du sultan Selim III, mais qui n'est publié qu'en français? Que dire, dans ce cas-là, de son sens dans un contexte ottoman? On comprend que c'est une publicité axée sur l'Occident, on essaye de se présenter à l'autre, mais pourquoi ne le fait-on pas à l'intérieur? Autant de questions qui, encore une fois, restent à l'état de question parce que nous n'avons toujours pas de voix concrète qui puisse nous permettre de répondre à ces questions. Les marbres d'Elgin, parce que je m'intéresse à l'histoire de l'archéologie et à certains moments forts de cette histoire, le nouvel atlas, je ne reviendrai pas là-dessus, et la fameuse lettre de Halet Efendi qui se plaignait de ce que tout le monde le traitait de pédéraste et qui, une fois à Paris, est tout d'un coup rassuré de voir que le palais royal est un nid de prostitution tant masculine que féminine et qui écrit à ses amis au palais en disant « Oui, on nous traite de tous les noms, mais en fait, eux sont pires ». Un document qui, pour moi, est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas un texte normatif, c'est une lettre, c'est une voix. C'est un texte qui n'a pas été filtré par un désir de publication. C'est un de ces rares moments où vous entendez vos Ottomans vous parler et où vous pouvez, avec plus ou moins de sûreté, essayer d'interpréter, de comprendre leur état mental, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent face à une situation qui est de plus en plus tendue, de plus en plus inquiétante. Et vous y voyez donc plusieurs phénomènes, celui d'un Ottoman qui n'est plus capable, comme les Ottomans d'antan l'auraient été, de se suffire à lui-même pour sa propre identité. C'est ça un empire à l'ancienne. C'est un empire qui est tellement nombriliste, tellement content de lui, et qui par conséquent se suffit à lui-même, arrive à définir sa sexualité comme sa politique par le biais de sa propre culture et n'a pas à se soucier de ce que pensent les autres. Tandis que ce pauvre Halet Efendi, non seulement il est inquiet de savoir ce que les Européens pensent des Ottomans, et si, justement, hétéronormativité de l'époque, s'ils pensent qu'ils sont tous des pédérastes et des sodomites, mais en plus, il est inquiet de voir que ce sont, et c'est lui qui le dit, tous les Grecs du monde et tous les Arméniens du monde qui lui transmettent ce message négatif en provenance d'Occident. Donc vous y voyez l'orientalisme occidental, mais vous y voyez aussi la naissance d'un phénomène qui sera extrêmement important, celui de la cinquième colonne, celui de l'altérité qui est attribuée de manière politique, non plus religieuse, mais politique, aux Arméniens et aux Grecs, avec les conséquences que l'on sait à la fin de l'Empire. Donc tout ça, c'est important, c'est intéressant, et encore une fois, c'est pris sur le vif grâce à la lettre très naïve, très ouverte de ce bureaucrate ottoman à Paris. Ensuite, l'histoire de Shahanizadeh, je vous en ai parlé, au moment même où la Vénus de Milo est découverte, aucun rapport bien sûr, mais encore une fois, convergence de mes intérêts. D'une part, l'archéologie comme un de ces canaux de transformation et de transfert de culture et d'idéologie entre l'Occident et l'Orient, et la grande histoire politique que représente l'historien Shahanizadeh. Et enfin, les années 20, comme vous le disiez, et ça va être le sujet de plusieurs de mes leçons cette année, les années 20 qui sont faites de ce que j'avais appelé, je vous rappelle simplement la page de titre de ma dernière conférence l'année dernière, les défis du ou d'un nouvel ordre. Du nouvel ordre parce que c'est une référence à Nizam Jadid, le nouvel ordre qui est le nom que les Ottomans donnent eux-mêmes à cette transformation qu'ils veulent de l'Empire à travers la fiscalité, l'administration et l'armée, mais aussi un nouvel ordre, puisque c'est le post-1815, c'est le post-Napoléon, c'est le post-Révolution française, post-Congrès de Vienne, c'est un monde nouveau, c'est le début du 19e siècle. Le 19e siècle, bien sûr, il est long, on peut le faire commencer où on veut, 1789 si l'on veut, mais le 19e, stable, un peu terrifiant dans son conservatisme, c'est le produit du Congrès de Vienne, c'est le produit de Metternich, c'est le produit de cet état de stabilité que l'on veut imposer à l'Europe à travers une sorte de police de tous les mouvements jugés dangereux par les grandes nations de l'époque. C'est le concert de l'Europe. Et vous vous souviendrez que le concert de l'Europe, il est obsédé par ce désir d'éviter tout débordement social, politique, tout mouvement nationaliste. Le nationalisme ne sera vraiment européen et du 19e qu'après 1860, après des acteurs comme Napoléon III ou Bismarck qui vont réinventer un nationalisme conservateur qui sera dirigé, manipulé par l'État et non par des révolutionnaires, des intellectuels, des bourgeois. À cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque du Congrès de Vienne, le nationalisme est un mouvement subversif qui trouve son soutien dans des classes moyennes, bourgeoises, petit-bourgeoises, qui sont en gros révolutionnaires et qui ne rêvent que d'une chose, c'est soit de rétablir la Révolution française dans ses versions diverses et variées, et en tout cas de secouer le système, d'abattre le système des monarchies absolues qui ont été rétablies en 1815. Et il est surprenant de voir que, alors que le Congrès de Vienne, alors que le concert de l'Europe va effectivement travailler à étouffer toute velléité révolutionnaire en Espagne, en Italie, en Pologne, partout, il y a une seule exception, c'est la Grèce. Pourquoi ? Parce que la Grèce est un mouvement révolutionnaire, un mouvement national ou nationaliste qui s'insurge contre un non-européen, un État non-européen, l'Empire ottoman, et que par conséquent, c'est la seule exception à cette règle de conservatisme et de maintien de l'ordre de l'Europe post-1815. Donc, un nouvel ordre, c'est un nouvel ordre en Europe dont les Ottomans ont déjà eu une idée pendant les guerres napoléoniennes, avec notamment le traumatisme de l'expédition d'Égypte, l'occupation de l'Égypte par Bonaparte. Mais après 1815, ce nouvel ordre, il devient de plus en plus envahissant, de plus en plus encombrant, de plus en plus puissant, et par conséquent, pour les Ottomans, de plus en plus inquiétant, tout en étant un modèle qu'ils vont essayer d'émuler. C'est-à-dire que le gros de la modernisation ottomane va se faire sur un modèle qui est emprunté en particulier à la France, mais aussi à d'autres systèmes qui font partie justement de cet établissement, de cet establishment du 19e siècle, l'Autriche, l'Angleterre moins, mais surtout la France et l'Autriche, et jusqu'à un certain point la Russie. Donc les années 1820, ce sont des années décisives parce que les Ottomans sont confrontés confrontée à ce phénomène nouveau, une Europe de plus en plus envahissante et de plus en plus inspirante à la fois, ils vont être confrontés à un phénomène tout aussi nouveau et tout aussi inquiétant qui est celui d'une rébellion qui devient une guerre d'indépendance nationale. Eux qui sont habitués à des embrasements, même pas populaires, mais des rébellions dans les provinces, dans toutes les provinces qui sont plus ou moins effectivement, efficacement matées manu militari, pour la première fois, ils sont confrontés à une rébellion qui n'en finit plus et qui sera cette fois-ci directement soutenu à partir de 1826-27 avec la bataille de Navarin, directement soutenu par les grandes puissances de l'époque. Donc un nouvel ordre qui est de plus en plus menaçant et où il commence, et c'est pourquoi encore une fois l'archéologie est extrêmement intéressante, il commence à se rendre compte que les ruines d'Athènes ont un sens pour le philhellénisme, pour les Grecs, pour les Occidentaux qui se battent en Grèce contre eux. Et par conséquent, ils commencent à avoir une vision de la modernité, de la civilisation qui est tout à fait différente, tout à fait nouvelle et, le plus important, dont les références sont de plus en plus étrangères, de plus en plus externes à leur propre culture. Et enfin, 1820, c'est l'Égypte. L'Égypte qui est un phénomène extrêmement complexe, une province qui a été conquise et occupée pendant 3 ans par Bonaparte et qui se détache de plus en plus de l'Empire avec à sa tête un gouverneur, le fameux Mehmed Ali Pacha, Mohamed Ali pour les Égyptiens, qui s'intègre de plus en plus avec l'Europe. C'est le début d'une sorte de course vers l'occidentalisation, où les Égyptiens et les Ottomans vont essayer de rivaliser pour ce qui est de la maîtrise et de l'adoption de certaines formes occidentales. Donc, une décennie extrêmement mouvementée, et c'est pendant cette décennie que Mahmoud II va prendre cette décision, celle de complètement, radicalement et violemment transformer l'Empire en détruisant la tradition, en y supplantant une modernité. C'est un peu ce que représente l'heureux événement Vakhaya Hayriye, comme les Ottomans l'appellent, de 1826, c'est-à-dire la destruction et l'abolition des janissaires. Donc nous allons nous pencher de plus en plus en détail sur cette période, sur en quelque sorte la gestation de cette décennie, les préparatifs de Mahmoud et ensuite le détail même de cette révolution étatique. Encore une fois, je vais digresser sur des documents et ce que je vais essayer de faire, c'est d'utiliser en parallèle, en tandem et en parallèle, une documentation ottomane et une documentation française, toutes deux contemporaines, pour parler du même événement. Les archives de la Courneuve, les archives du Quai d'Orsay sont extrêmement riches en rapports et en correspondances politiques, diplomatiques entre Constantinople et Paris pendant les années 1820 et d'ailleurs pour la suite aussi. Et je me suis amusé à décortiquer tous les rapports quotidien qu'envoyait l'ambassade de France à Constantinople, à Paris, pendant les événements de 1826. Et d'un autre côté, nous avons un récit un peu plus officiel, un peu plus local, contrôlé, celui de cet événement heureux, comme il l'appelle, et je vais essayer, autant que possible, pour vous donner une idée de, justement, la complexité de cette pluralité, pour essayer de parler de cet événement avec des sources qui convergent, mais qui, sur beaucoup de points, divergent. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Ethem Elden dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830 ». Aujourd'hui, les défis d'un nouvel ordre et les violentes réformes. Nous allons maintenant commencer à parler des années 20. Et avec un peu de chance, au bout de mon cours de cette année, nous aurons probablement entamé une ou deux décennies de ce 19e siècle qui est tellement intéressant, mais aussi tellement complexe, du point de vue des transformations de l'Empire ottoman. Cette fois-ci, j'ai intitulé ma leçon « Violente réforme » avec en toile de fond une toile, un tableau dont je parlerai dans un moment lors d'une petite digression dans le domaine de l'histoire de l'art. Violente réforme parce que je vais parler essentiellement, et je pense que ça nous occupera pendant au moins une ou deux séances, je vais parler de cet événement majeur qu'est l'abolition et la destruction du corps des janissaires par le sultan Mahmoud II en 1826. Violente, mais réforme aussi, puisqu'il s'agit d'un premier pas vers l'établissement d'un État nouveau, un État moderne, un État qui se veut centralisé et qui veut utiliser les technologies de pointe de la modernité occidentale et qui déterminera en grande partie le cours des événements pendant le XIXe siècle. Donc réforme, mais réforme violente. J'ai parlé d'abolition, mais c'est plus qu'une abolition, c'est une destruction. Ce que les Ottomans, ou du moins Mahmoud II et par la suite l'historiographie ottomane a appelé la Vak'a-i Hayriye. Vak'a, c'est un événement, c'est de l'arabe, mais c'est un terme utilisé en turc, qu'il était d'ailleurs encore au XXe siècle, avant que la réforme linguistique ne nous impose des néologismes. Aujourd'hui, le turc moyen ne comprendra probablement pas Vak'a, qui a été remplacé par Olay. Olay, un événement. Mais à l'époque, on disait Vak'a. Et Vak'a-i Hayriye, alors Hayr, c'est le bien, c'est de l'arabe aussi, c'est le bien dans un sens sacré du terme, c'est quelque chose qui profite à la religion, qui profite à la société, qui profite à tout le monde. Vak'a-i Hayriye, c'est donc l'événement heureux, heureux dans le sens classique du terme, le bonheur dans le sens de quelque chose qui va dans le sens d'un mieux. Vak'a-i Hayriye, c'est un euphémisme, donc c'est un événement heureux qui en fait a fait le malheur de plusieurs milliers d'individus, des morts, mais aussi des exilés. Vous allez voir que c'est une des premières purges systématiques. Et qui dit purge, qui dit systématique, parle déjà de modernité. C'est pourquoi c'est un événement qui est en général associé avec, entre guillemets, la barbarie moderne, la barbarie des Ottomans, la barbarie d'un empire pré-moderne dans le sens américain du terme. Mais en fait, ainsi que j'essaierai de vous le démontrer, c'est un événement qui comporte énormément d'éléments qui préfigurent déjà une modernité comme on la concevait au XIXe siècle. Donc, violente réforme, au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, mais au cœur de ce mouvement de réforme est cet événement de 1826, du 15 et du 16 juin 1826, la destruction des janissaires. Un petit retour en arrière quand même pour servir de prélude à cette histoire que, fidèle à ma parole et fidèle à mon attachement à ce que je considère être une des devises les plus importantes du Collège de France, celle de montrer la recherche alors qu'elle s'y fait, pendant qu'elle s'y fait, je vais me plonger dans des documents. Je vais me plonger dans des documents, mais je vous ferai grâce de la documentation ottomane. Je ne vais pas faire un cours de paléographie et d'études de documents ottomans au plus près, pour la bonne et simple raison que nous disposons d'une documentation extrêmement riche en français. Je veux parler de la documentation émanant de l'ambassade de France à Constantinople, qui faisait du très bon travail en ce qui concerne les rapports, la mise à jour, l'information de Paris au sujet des derniers développements dans l'Empire. De manière très régulière, très systématique, l'ambassade envoyait des bulletins hebdomadaires qui relataient, en quelques détails, qui relataient les événements les plus importants et essayaient de donner un contexte et un sens à des choses qui, vues de Paris, devaient paraître bien étranges et bien exotiques. Donc, nous suivrons des textes qui sont en français, y compris, et ça c'est un avantage, des traductions d'époque de documents ottomans, ce qui permet donc d'éviter de faire l'impasse sur le côté un peu exotique de la traduction de documents ottomans, parce que ces rapports comprenaient souvent des pièces jointes, et ces pièces jointes étaient souvent des traductions de documents ottomans. Vous savez que depuis le XVIe siècle, mais en particulier depuis le XVIIe, l'ambassade de France à Constantinople, d'ailleurs pas que l'ambassade de France, toutes les légations étrangères à Constantinople avaient une armée de drogmans, d'interprètes, drogmans, déformation du terme terjuman, interprète, traducteur, déformé par la prononciation égyptienne. Vous savez peut-être que les Égyptiens prononcent le « dieu » « g », donc « targuman » donne « drogman ». Et c'est le terme consacré pour décrire ces individus dont la mission, dont le devoir était de traduire sans cesse tout ce qui émanait de la porte, c'est-à-dire de la sublime porte du gouvernement ottoman. Encore une petite digression, mais je pense que c'est important. Ils étaient formés sur place, dans ce qu'on appelait l'école des jeunes de langue, Giovanni della Lingua, c'était la formule que les Vénitiens avaient inventée et que les Français reprirent pour former justement ces professionnels de la traduction qui connaissaient les langues orientales, notamment le turc, enfin le turc ottoman, mais aussi le persan et l'arabe, et qui par conséquent faisaient un travail assez remarquable de traduction de textes qu'ils pensaient être nécessaires à la conduite des affaires à Constantinople. Petit clin d'œil institutionnel, bien de ces drogmans devinrent au XIXe siècle des orientalistes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des spécialistes des langues et des cultures orientales, et certains accédèrent jusqu'au Collège de France. Et par conséquent, il y a là une sorte de lignée que j'avais évoquée avec un clin d'œil lors de ma leçon inaugurale entre ces jeunes de langue, les drogmans, et les premiers orientalistes au Collège de France, et moi-même comme digne héritier de cette tradition. Un retour en arrière au temps de Selim III. On a déjà parlé de Selim III, ce sultan que l'on dit généralement éclairé, et à qui l'on attribue des réformes, les premières réformes plus ou moins systématiques de ce qui, pour l'État ottoman, primait sur tout autre aspect de l'administration, c'est-à-dire l'armée et le trésor, l'armée et la fiscalité. L'État moderne, tel qu'on le connaît, tel qu'il s'est développé à partir de la fin du Moyen-Âge, et en particulier pendant la période moderne, est avant tout un État fiscal. C'est la fiscalité, la capacité à traire la vache qu'est le territoire royal impérial, qui détermine le succès d'un État moderne. Et par conséquent, tout ce que l'on associe avec la modernité de l'époque, notamment l'administration et l'armée, découle en fait de cette capacité de l'État à mobiliser les ressources du pays, des territoires, de l'Empire, afin de financer cette machine qui est extrêmement neuve et qui est extrêmement coûteuse, qui est l'administration tant militaire que civile des États. Et ça, c'est une particularité que l'on trouvera partout, en Europe comme en Orient. Je vous rappelle que les plus grands conflits de la période moderne en Occident, en Europe, ont été fondés sur des rivalités concernant le droit à accéder à ces revenus fiscaux. La glorieuse révolution, telle que les Anglais l'appellent, du Parlement contre la monarchie anglaise à la fin du XVIIe siècle, en 1688-89, portait essentiellement sur ce désir du Parlement et bien sûr des classes qui étaient représentées au Parlement de partager le pouvoir avec la monarchie, et par ce partage, on entendait essentiellement la capacité à décider de la manière dont la population, dont la production serait imposée. Selim III, donc, dans la tradition moderne, si vous voulez, est un souverain qui, déjà avec des précédents tout au cours du XVIIIe siècle, je vous rappelle les velléités de réforme que représente par exemple l'intégration de renégats tels le comte de Bonneval ou le baron de Toth, vers la moitié du XVIIIe siècle, un État qui essayait déjà, qui avait déjà des velléités, donc, de moderniser son armée, et qui pour cela utilisait généralement une sorte de copier-coller des méthodes, des technologies, de la logistique développée en Occident. Voici une scène archi-connue de Sélim III dans un contexte qui est encore très traditionnel. Quand on voit des bonnets blancs, ce que vous voyez, ces plumeaux, ces plumes ici, ce sont des janissaires. Les janissaires, on va en parler, et pour cause. C'est un contexte donc traditionnel où vous voyez encore l'habit à la turque, l'habit à la turca, des costumes, des uniformes qui sont très traditionnels, et le sultan assis sur son trône est sous le dé, l'auvent, de ce qu'on appelle la porte de félicité, Babusade. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent le palais de Topkapı à Istanbul, sachez que c'est la porte qui sépare l'espace semi-public de la seconde cour de la troisième cour, qui, elle, est l'espace privé constitué par les appartements du sultan et notamment par le harem. Il trône en majesté, entouré des dignitaires, et vous avez là une armée à l'ancienne qui l'entoure. Sélim, par conséquent, est celui qui, le premier, va, de manière plus ou moins systématique, tenter de modifier ce régime. Vous vous souviendrez peut-être de ce portrait de Sélim III, par Constantin de Cizik, Constantin Kapoudarlı, un peintre grec-ottoman, ottoman-grec, vous conjuguerez ça comme vous voudrez. Et c'est un portrait sur lequel je m'étais un peu attardé parce que il représente un certain nombre de choses. D'abord, il y a un contexte. Vous vous souviendrez peut-être d'un document que je vous avais présenté, qui était une petite note du sultan à son grand vizir où il se vantait d'avoir reçu un portrait de Napoléon, récemment couronné empereur. Il en était très fier au point de dire « Toi, tu ne le sais pas, mais en Occident, c'est comme ça que les amis communiquent entre eux, c'est comme ça que les amis échangent des bons procédés. » Donc déjà un désir d'imiter, puisque ce portrait a été fait afin de rendre l'appareil à Napoléon, afin de renvoyer à Napoléon, par le biais de Sébastiani, un portrait qui aurait été fait à la manière des portraits occidentaux. Pas tout à fait, puisque il est quand même assis à la turque, mais il y a une représentation de la majesté avec des symboles qui normalement ne figurent pas sur des portraits traditionnels, ce que l'on appelle des miniatures. Et surtout, il y a là une petite étagère avec dedans des publications de la fameuse imprimerie de Müteferrika de 1728, un sextant, une longue-vue, enfin des attributs de modernité qui donnent une idée de l'image que veut donner Sélim III de lui-même en tant que souverain éclairé. Son système aura un nom, c'est le Nizam Jedid. Nizam, c'est l'ordre. C'est un terme, encore une fois, d'origine arabe, et Nizam veut dire ordre dans toutes ses formes. Mais c'est un terme qui revient énormément dans la culture et dans le vocabulaire politique ottoman, puisqu'on parle souvent du Nizam Alem, c'est-à-dire l'ordre du monde. Ce qu'il faut défendre, ce qui doit être respecté, et ce qui, surtout, ne doit pas être enfreint. Jedid, ça aussi en arabe, c'est nouveau. Nizam Jedid, c'est un ordre nouveau. Donc déjà, l'intitulé de ce programme comporte un élément qui va à l'encontre de la tradition politique ottomane qui, généralement, revendique le statu quo, revendique la continuité, revendique la préservation, la conservation de l'ordre du monde. En disant Jedid, par conséquent, le sultan marque déjà son mouvement d'une velléité de changement. Et ce changement, le Nizam Jedid, comme je vous le disais au début, consiste en deux éléments, deux tendances fortes. L'une, la modernisation de l'armée. L'autre, la modernisation des finances. Encore une fois, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'armée sans finances et que les finances constitue, depuis en tout cas le XVIIe siècle, l'un des points faibles de l'Empire ottoman, puisqu'il est constamment en déficit. Le budget de l'État, d'ailleurs l'appeler un budget est une exagération, mais disons que l'équilibre entre les entrées et les sorties, entre les revenus et les dépenses, est généralement biaisé en faveur des dépenses. Et par conséquent, depuis le XVIIe siècle, les Ottomans ne cessent de rêver de moyens d'équilibrer leur budget, soit par une augmentation presque systématique des impôts, en créant des nouveaux ou en augmentant l'assiette fiscale, soit en réduisant les dépenses. Réduire les dépenses dans un empire, et un empire qui a quand même un coût de maintien qui est excessivement important, c'est très difficile. Par conséquent, la politique vise en général un accroissement des revenus plutôt qu'une réduction des dépenses. Et bien sûr, il s'agit aussi d'assainir les finances, c'est-à-dire d'utiliser un moyen plus rationnel de gérer les sommes immenses qui circulent entre les provinces et l'Empire et dont la plupart enregistrent des pertes systématiques en raison même de la faiblesse technologique logistique du système. L'affermage, les fermes, comme dans l'Ancien Régime, sont une faiblesse majeure, une force, si vous voulez, au départ, puisque ça permet à l'Empire d'enregistrer des revenus sans avoir réalisé l'année fiscale, puisqu'on vend à l'avance des revenus futurs. Donc c'est vraiment un des éléments clés de la modernisation de l'État pendant la période moderne, mais avec des problèmes qui sont immenses, puisqu'il y a toujours de la perte, il y a toujours une tendance de l'investisseur, du fermier, à grignoter sur la part qui devrait revenir au trésor. Ajoutons à cela le fait que l'Empire est vaste, énorme, et que son contrôle des provinces plus ou moins distantes du centre est extrêmement limité. Et cela, bien sûr, a des répercussions sur l'efficacité du système fiscal. Donc, ce que Selim, troisième du nom, essaye de faire, c'est d'assainir la fiscalité, d'augmenter les revenus et de les utiliser à la création d'une nouvelle armée, une armée qui, en gros, encore une fois, un petit rappel de quelque chose que je vous avais présenté l'année dernière, qui s'inspirerait en grande partie des armées réglées, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire des troupes régulières et qui pratiquent l'exercice, qui ont un uniforme et qui par conséquent seraient plus efficaces lors du combat, puisque la seconde faiblesse de l'Empire, du moins aux yeux des dirigeants, c'est que depuis la fin du XVIIe siècle, il enregistre constamment des défaites face à des ennemis de plus en plus puissants, à commencer bien sûr par les Habsbourg, mais aussi la Russie, sans compter bien sûr les tendances locales à l'autonomie qui constituent sans cesse un péril pour le maintien de l'ordre et le maintien de la souveraineté ottomane dans la périphérie, dans les provinces de l'Empire. Donc ce tableau des nouveaux règlements que je vous avais présentés l'année dernière, de Mahmoud Raif Efendi, qui avait publié ceci en français uniquement, en français et en allemand, et non en turc, ce qui est déjà assez significatif, comporte des planches excessivement intéressantes qui, en gros, dévoilent ces premiers efforts de l'État ottoman à se moderniser industriellement, mais surtout militairement. Donc, vous voyez là, l'armée, les soldats de l'armée nouvelle, de l'armée du nouvel ordre, l'armée du Nizam Jadid, plusieurs représentations. Vous voyez que il reste quand même un élément oriental, si vous voulez, à cet uniforme, les pantalons bouffants, des turbans beaucoup moins importants que les turbans traditionnels des soldats et notamment des janissaires. Nous reviendrons là-dessus. Donc une sorte d'entre-deux, un désir de combiner un certain goût local local, des préférences locales, un goût visuel local, avec un système, avec des uniformes qui seraient empruntés à l'Occident. Vous commencez à voir des défilés militaires. La simple idée d'un défilé, l'exercice systématique, le tir en rafale, ce sont des choses que les Ottomans n'ignoraient certes pas, mais qu'ils ne pratiquaient pas de manière systématique. Ce qui est amusant, c'est de voir que à cette époque-là, le sultan que l'on voit sous la tente, et se trouver sous la tente, c'est quelque chose de symboliquement fort, c'est un sultan en campagne, c'est un sultan militaire qui se trouve sous la tente, sous le dais de sa tente, le sultan est encore en costume tout à fait traditionnel. Rien ne le distingue de ses prédécesseurs du XVIIIe ou du XVIIe siècle, si ce n'est des changements de mode internes propres à l'Empire ottoman. Mais il assiste à ce déploiement de modernité avec des soldats en uniforme qui représentent le nouvel ordre dont il rêve. C'est ce nouvel ordre, c'est cette aventure qui va lui coûter le trône et éventuellement la vie. Et cet épisode, 1807-1808, est très important pour comprendre la politique qui sera suivie, la politique, la stratégie, la tactique parfois qui sera suivie par son successeur, Mahmoud II, celui qui aura le bonheur, pour reprendre l'expression ottomane que je vous avais citée, le bonheur de détruire une fois pour toutes le corps des janissaires. Pourquoi ? Parce que justement les janissaires, ou plus particulièrement les Yamak, alors Yamak, Y-A-M-A-K, est un terme qui identifie les soldats préposés à la garde des châteaux du Bosphore, ces châteaux au nord du Bosphore dont la mission première est d'empêcher toute invasion en provenance du nord, en provenance de Russie. Ce sont les Yamak qui s'insurgent contre cette nouveauté, qui refusent de faire l'exercice, qui refusent d'accepter le nouvel uniforme et qui par conséquent vont mettre le feu aux poudres et vont provoquer une révolution, une rébellion des forces armées, des janissaires notamment, mais soutenues en grande partie par le peuple. Et ça, il faudra y revenir, puisque il y a entre les janissaires, entre les forces armées, si vous voulez, et la population civile, des rapports, une relation qui est souvent extrêmement ambiguë, mais qui peut souvent, et ça a été le cas au XVIIIe siècle à plusieurs reprises, qui peut fortifier, renforcer la puissance des janissaires en leur donnant un soutien populaire, un soutien entre guillemets civil, qui est extrêmement efficace face à l'isolement dans lequel ils laissent le sultan et son entourage, la sublime porte. Donc en 1807, un certain Kabakçı Mustafa, donc un rebelle, va réussir en quelque sorte à forcer Selim III à abdiquer, à se retirer et à céder le trône à son frère Mustafa, quatrième du nom, qui représentera politiquement, ou du moins du fait des circonstances, représentera la réaction, représentera la tradition, représentera le conservatisme, c'est-à-dire le désir de retourner aux sources, de retourner à l'ordre du monde tel qu'il existait avant qu'il ait été perturbé par les réformes de Selim. Selim, toutefois, sera sauvé, du moins momentanément, par une autre force qui est excessivement importante dans l'équilibre politique de l'Empire ottoman, et qui, pour la première fois, va jouer la carte de la politique centrale. Je veux parler de ce qu'on appelle les Ayan, A-Y-A-N. Ce sont les notables des provinces, mais par notables, j'entends des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont accès d'abord à la terre, et deuxièmement, à des ressources fiscales locales qui leur donnent le pouvoir de lever des armées qui peuvent à tout moment menacer les armées centrales du gouvernement. Les Ayan sont connus au XVIIIe siècle comme un élément perturbateur avec lequel il faut pactiser, avec lequel il faut négocier afin de maintenir l'ordre. Encore une fois, l'Empire ottoman, pour centraliser et militairement développé qu'il puisse paraître, est essentiellement un empire de négociation. C'est-à-dire que ce qui le maintient en vie, c'est justement cet équilibre critique entre le centre et la périphérie, où le centre doit constamment négocier avec la périphérie les conditions de leur allégeance. Et ces négociations peuvent parfois échouer. Ces négociations peuvent parfois être contrecarrées par des velléités autonomistes de certains zayans, de certains potentats locaux, ou alors par l'État lui-même lorsqu'il se sent assez puissant pour essayer d'imposer sa volonté sur ses forces incontrôlables ou difficilement contrôlables des provinces. Donc c'est un jeu d'équilibre qui est assez bien rodé, et grâce auquel l'Empire ottoman a réussi à survivre jusqu'au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier l'exemple typique, ce sont ce qu'on appelle les provinces barbaresques, les États barbaresques, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le nord de l'Afrique, qui a été intégré nominalement du moins dans l'Empire ottoman au XVIe siècle, à l'époque de son expansion très forte, et qui a été maintenu jusqu'au XIXe siècle, en fait jusqu'à la prise, l'occupation de l'Algérie par les Français en 1830, qui a été maintenu au sein de l'Empire pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que le contrôle de l'Empire, le contrôle du centre sur ces États barbaresques était extrêmement limité. Il se limitait en général à une garnison qui très souvent se mêlait à la population locale et devenait en quelque sorte une classe dirigeante à part entière dans les provinces, et qui par conséquent acquérait assez de pouvoir et assez d'indépendance, assez d'autonomie pour faire ce qu'elle voulait, sans pour autant défier l'autorité du sultan. On battait quand même la monnaie à l'effigie, ou pas vraiment à l'effigie, puisque l'effigie n'existait pas, mais au monogramme du sultan. On faisait acte d'allégeance, on reconnaissait nominalement la puissance, l'autorité, la suzeraineté, la souveraineté de Constantinople, d'Istanbul, mais à l'échelle nationale, on faisait un peu ce que l'on voulait. Et les Ottomans, à Istanbul même, en étaient assez conscients, et par conséquent, ils voyaient bien que c'était la seule solution pour maintenir ne serait-ce qu'une souveraineté nominale, en nom, dans ces provinces. Et c'est un système qui, après tout, marchait assez bien. C'est un système que l'on peut comparer avec des risques d'anachronisme, avec le Commonwealth anglais, c'est-à-dire une sorte d'association d'États ou de petits États de principautés qui se revendiquent d'une entité plus ou moins générale, plus ou moins globale, qui a son centre à Istanbul et qui a sa tête le sultan, mais qui, à l'échelle locale, fonctionne de manière plus ou moins autonome. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Etem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » dans les années 1820-1830. Aujourd'hui, les défis d'un nouvel ordre et les violentes réformes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Etem Eldem. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Antoine Villoz de la Discothèque et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Collaboratrice, Claude Lano. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Etem Eldem son interrogation des violentes réformes dans l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.